Appelle-moi ton père. J'paye la dot, j'ai les bénéfices. Sur la vue montagne, on éclate tout, j'ai les bénéfices. J'suis sur le terrain, toujours serein. Des quêtes à gérer, on s'appelle demain. Elle dit que je suis un gamin, que je fais le malin. C'est ma petite, ma chérie, fais câlin. On fly à deux si j'ai le temps, ouais. J'ai bien dit si j'ai le temps. C'est mon ego qui me pousse à faire tout ce sang blanc. Mais crois-moi que je suis dedans. Hey, me fais pas de cinéma. Elle parle sur toi, elle veut ta place. Ouais, me fais pas de cinéma. Elle parle sur toi, ça n'a aucun effet. Hey, à Bali, au Fidji, au fin fond de la planète. Bébé, jamais sans toi. À Babi, à Sadi, Conakry. Bébé, jamais sans toi. Appelle-moi ton père. J'paye la dot, j'ai les bénéfices. Sur la vue montagne, on éclate tout, j'ai les bénéfices. J'sais pas comment gérer, bébé. C'est vrai, souvent j'suis occupé. C'est noir dans ma tête. J'ai plus le cœur léger, j'ai le cœur pété. Juste le temps de remplir mes poches. Avec moi c'est pas facile, faudra que tu t'accroches. Laisse-les parler, j'ai le truc pour les wets. J'évite les débats, ça me fait mal à la tête. Me fais pas de cinéma. Elle parle sur toi, elle veut ta place. Ouais, me fais pas de cinéma. Elle parle sur toi, ça n'a aucun effet. À Bali, au Fidji, au fin fond de la planète. Bébé, jamais sans toi. À Babi, à Sali, Conakry. Bébé, jamais sans toi. Appelle-moi.